Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste en chair et en os, monsieur Mwakavi. Salut tout le monde, et oui, je suis plus en chair qu'en os. Bon mon ami, comment tu vas? Ouais, écoute, ça va, un peu fatigué là tout de suite maintenant, mais ça roule. Ouais, parce que là on vient de faire une jolie scène, on était au Jolly Sailor à La Rochelle. Et donc on a fait un beau plateau, c'est toi qui l'as monté, et puis on a passé une bonne soirée. Le public de La Rochelle, il est quand même particulièrement chaud, je trouve. Ah ben ouais, hein, écoute, la salle n'était pas pleine, mais c'est tout comme quoi, on dirait qu'on était comme dans un F. Franchement, si tu regardes le coefficient nombre de personnes, ambiance, c'était ouf quand même. Moi je suis passé en dernier, genre vraiment, les gens étaient fatigués de la soirée et tout, mais ils ont quand même donné de l'énergie de dingue et ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Oh, mais surtout que t'étais le meilleur, mon petit Sofiane. Oh, arrête. Tu sais bien que je te kiffe, mon poulet. Merci beaucoup, merci pour ton soutien. Ton soutien m'est très précieux. Donc alors, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh mon Dieu, si je commence là. Vous avez du temps, les enfants, j'espère, parce que là... T'inquiète pas, je sais pas si tu battras le record de Rosa Burstein. Elle m'a fait un épisode de 40 minutes. Ah non, j'irai pas. Non mais, je peux pas, je joue pas dans la même compétition. Bon, après, il faut dire ce qui est. Hein. Sur notre épisode avec Rosa, que je vous invite à écouter, c'est l'épisode numéro 79. Vraiment, on a parlé de tout et de rien. Il y a eu des anecdotes d'humour et il y a eu beaucoup de philosophie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la première fois qu'on allait aussi profondément dans le podcast. Bon, en tout cas, avec Monsieur Mwakavi, on va écouter ses petites galères. Donc, raconte-nous un petit peu. Bah, je pense que ça va être... C'est le pire beat que j'ai pris de ma vie. Ouais. C'est en décembre de l'année dernière, donc en 2019, j'allais au Gavestyle justement. Ouais, notre scène ouverte à Bordeaux. Voilà. Et j'ai fait le malheur de prendre un covoiturage. Ouais. Autant te dire que le mec est arrivé à 19h30 me récupérer. Oui. Et il faut 2 heures pour aller à Bordeaux. Donc, dans la logique, oui, ça te fait arriver à 21h30. Ouais. Si je te dis que je suis quand même arrivé à 22h45. Ah oui, quand même, d'accord. Donc, la fin de la fin. Donc, autant te dire que j'étais programmé le dernier. Donc, voilà, déjà, t'as pas le temps de te chauffer ni rien. C'est ça. C'est la fête. C'est ça. Et quand là, tu te rends compte que le public... Bah, je sais pas si c'est... Alors, je pense que c'est que j'ai été mauvais. Mais le public, en gros, j'ai comme l'impression qu'il dormait, limite. Je me suis rendu compte que les interactions étaient impossibles. Limite, comme si on avait mis off sur leur cerveau, je sais ça, pas. C'est vrai que des fois, t'as l'impression d'avoir appuyé sur off, ouais. Ah, mais là, c'est même plus off. Là, limite, j'étais tout seul et puis je me suis dit, je parle à moi-même, en fait. Et même quand t'essayes, tu sais, quand t'arrives, t'essayes. En fait, ils sont venus te voir répéter. Ah ouais, mais non, c'est plus de la... ouais, mais là, une réaction quand même, un truc. Je sais pas, un rire de compassion, mais non, non, non, là, rien. Là, tu vois le désert de Gobi, t'entends le... Bah, là, limite, là, j'étais en plein milieu, puis ben voilà, chut, allez, continue, déroule. Et puis c'est long, 10 minutes, là, quand t'as un très, souffle. Très long. Quand c'est 10 minutes de tunnel, oh mon Dieu, c'est vraiment toute une vie qui passe devant toi. Je ne le souhaite à personne. On ne le souhaite même pas à notre pire ennemi. Ouais, mais encore, à la limite, à ce stade-là, ça lui ferait du bien. Mais oh mon Dieu, non. Voilà, ça... Et là, c'est effectivement, après, tu ressors, il y a un mec qui te dit oui, continue. Waouh! Waouh! C'est la version polie de bon courage. Là, c'est vrai, tu vas galérer, mec, mais juste pour te le dire, tu vas galérer, quoi. D'accord, ok. Et donc, tu as eu d'autres mésaventures comme ça un peu? Ah, après non, c'est quelque chose de plus amusant, c'est effectivement quand j'ai fait ta première partie à Saint-Jean-d'Angély. Oui, au contre-pied. Voilà. Où là, effectivement, ça a été, pardonnez-moi l'expression, mais un bordel sans nom. C'est vrai que c'était assez mouvementé, j'avoue. C'était limite très, très, très mouvementé. Donc, limite, moi qui joue avec qui improvise beaucoup, alors là, ça a été... Ah, tu t'es fait plaisir ce soir-là. Ah, là, ça a été la fête au village. Là, moi, je te regardais depuis les coulisses, un peu depuis l'entrée. Et franchement, tu t'es lâché, quoi. Ah, bah là, ce stade-là, il n'y avait plus de limite. Ouvrez les vannes, tout branzing. Hein. Mais parce que t'étais obligé quelque part. Tu vois, ils t'ont poussé dans tes retranchements. Voilà, et c'est vrai, parce qu'on avait, deux, trois éléments un petit peu. Perturbateurs, alcoolisés. On peut dire ça comme ça. Oui, voilà. Qui t'ont un petit peu poussé dans tes retranchements. Mais moi, je trouve que t'as bien tenu la barre quand même. Faut essayer. Hein. Mais c'est ce que t'as fait, et t'as très bien géré. Ce soir-là, il y avait Nanou aussi en première partie. Et franchement, c'était cool, quoi. On a quand même passé une bonne soirée, finalement. Oh, tu m'étonnes. De toute façon, les soirées sur scène sont toujours bonnes à la base. Ah ouais, J'aime bien le à la base. C'est-à-dire que dans le contrat, c'est censé être bien, tu vois. Non, mais dans le contrat, c'est bon. Mais quand tu regardes la première anecdote, forcément, ouais, tu dis, voilà. Des fois, ça se passe pas toujours parfaitement. Mais t'inquiète pas, on est tous passés par là. Ouais, ça fait mal. Tu avais d'autres anecdotes, mon poulet? Non, je m'arrête là. Écoute, ouais. Je suis antillais, on va pas trop m'en demander non plus quand même. Là, je t'ai fait travailler l'équivalent de ce que tu travailles en 2 semaines et demie normalement. Oh, à peu près, ouais, on n'est pas près. Très loin. Hein. D'accord. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, Instagram, donc moi, Kavi, MWAKAVY. Ouais, tu compliques pas du tout les choses. Ouais, jamais, écoute. Hein. Voilà. Et sur Facebook, donc toujours moi, Kavi Comédie, donc MWAKAVY. Comédie, COMEDY. T'inquiète pas, s'ils ont réussi à écrire moi, Kavi, ils auront pas de mal à écrire comédie. Y a ouais, pas de... on sait jamais. T'inquiète. T'es sur Twitter peut-être ou sur YouTube? Twitter non, YouTube. Pas pour le moment. Non, j'ai pas. D'accord. J'ai pas en gros le contenu nécessaire pour mettre des choses sur YouTube. Donc, ok. Eh bien écoute, pas de soucis. En tout cas, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire pour ceux qui sont sur iTunes. Vraiment, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me suggérer de nouveaux humoristes pour des prochains épisodes. Et vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir vous raconter toutes ces anecdotes et les partager avec vous. Je vous dis à très bientôt les amis, bis à tous, même à toi là-bas.